Chapitre 22 Des essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. Essai par Michel Aikem de Montaigne. Livre 1 Chapitre 22 De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue. Celui me semble avoir très bien conçu la force de la coutume, qui premier forgea ce conte, qu'une femme de village, ayant appris de caresser et porter entre ses bras un veau dès l'heure de sa naissance, et continuant toujours à se faire, gagna cela par l'accoutumance, que, tout grand bœuf qu'il était, elle le portait encore, car c'est, à la vérité, une violente et traîtresse maîtresse d'école que la coutume. Elle établit en nous, peu à peu, à la dérobée, le pied de son autorité. Mais, par ce doux et humble commencement, l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle nous découvre tantôt un furieux et tyrannique visage contre lequel nous n'avons plus la liberté de hausser seulement les yeux. Nous lui voyons forcer, tous les coups, les règles de nature. Usus efficacissimus rerum hominium magister. J'en crois l'antre de Platon en sa République. Et les médecins, qui quittent si souvent à son autorité les raisons de leur art, et ce roi, qui par son moyen rangea son estomac à se nourrir de poison, et la fille qu'Albert récite s'être accoutumée à vivre d'araignée, et en ce monde des Indes nouvelles, on trouva des grands peuples, et en fort divers climats, qui en vivaient, en faisaient provision, et les abattaient, comme aussi des sauterelles, fourmis, lézards, chauves-souris. Et fut un crapaud vendu 6 écus en une nécessité de vivre. Il les cuise, et apprête à diverses sauces. Il en fut trouvé d'autres auxquelles nos chairs et nos viandes étaient mortelles et venimeuses. Constitudinis magna vis est, pernoctant venatores inive, in montibus ori se passiontur, pugiles, questibus contusi, ne ingimuiscunt quidem. Ces exemples étrangers ne sont pas étranges. Si nous considérons ce que nous essayons ordinairement, combien l'accoutumance hébète nos sens. Il ne nous faut pas aller chercher ce qu'on dit des voisins des cataractes du Nil, et ce que les philosophes estiment de la musique céleste, que les corps de ces cercles, étant solides, polis, et venant à se lécher et frotter l'un à l'autre en roulant, ne peuvent faillir de produire une merveilleuse harmonie, aux coupures et nuances de laquelle se manient les contours et changements des corolles des astres. Mais qu'universellement les ouïes des créatures de Saba, endormies, comme celles des Égyptiens, par la continuation de ce son, ne le peuvent apercevoir, pour grand qu'il soit. Les maréchaux, meuniers, armuriers, ne sauraient demeurer au bruit qui les frappe s'il les perçoit comme nous. Mon collet de fleurs sert à mon nez, mais, après que je m'en suis vêtu 3 jours de suite, il ne sert qu'aux nez assistants. Ceci est plus étrange que, nonobstant des longs intervalles et intermissions, l'accoutumance puisse joindre et établir l'air de son impression sur nos sens, comme essaient les voisins des clochers. Je loge chez moi en une tour où, à la diane et à la retraite, une fort grosse cloche sonne tous les jours l'Ave Maria. Ce tintamarre étonne ma tour même. Et, au premier jour, me semblant insupportable, en peu de temps m'apprivoise de manière que je louis sans offense, et souvent sans m'en éveiller. Platon tensa un enfant qui jouait aux noix. Il lui répondit « Tu me tenses de peu de choses. » « L'accoutumance, répliqua Platon, n'est pas chose de peu. Je trouve que nos plus grands vices prennent leur pli de notre plus tendre enfance, et que notre principal gouvernement est entre les mains des nourrices. » C'est passe-temps aux mères de voir un enfant tordre le col à un poulet, et s'ébattre à blesser un chien et un chat. Et tel père est si sot de prendre la bonne augure d'une âme martiale quand il voit son fils gourmer injurieusement un paysan ou un laquais qui ne se défend point, et à gentillesse, quand il le voit affiner son compagnon par quelque malicieuse déloyauté et tromperie. Ce sont pourtant les vraies semences et racines de la cruauté, de la tyrannie, de la trahison. Elles se germent là et s'élèvent après gaillardement, et profitent à force entre les mains de la coutume, et est une très dangereuse institution d'excuser sa vilaine inclination par la faiblesse de l'âge et légèreté du sujet. Premièrement, c'est nature qui parle, de qui la voix est l'heure plus pure et plus naïve, qu'elle est plus grêle et plus neuve. Secondement, la laideur de la piperie ne descend pas de la différence des écus aux épingles, elle dépend de soi. Je trouve bien plus juste de conclure ainsi. Pourquoi ne tromperait-il aux écus, puisqu'il trompe aux épingles? Que, comme ils font, ce n'est qu'aux épingles, il n'aurait garde de le faire aux écus. Il faut apprendre soigneusement aux enfants de haïr les vices de leur propre contexture, et leur en faut apprendre la nature difformité, à ce qu'ils les fuient non en leur action seulement, mais surtout en leur cœur, que la pensée même leur en soit odieuse, quelque masque qu'ils portent. Je sais bien que, pour m'être dit, en ma puérilité, de marcher toujours mon grand et plein chemin, et avoir eu à contre-cœur de mêler ni tricoterie ni finesse à mes jeux enfantins. Comme de vrai, il faut noter que les jeux des enfants ne sont pas jeux, et il faut juger en eux comme leurs plus sérieuses actions. Il n'est pas ce temps si léger où je n'apporte, du dedans et d'une propension naturelle et sans étude, une extrême contradiction à tromper. Je manie les chartes pour les doubles, et tiens compte, comme pour les doubles doublons, lorsque le gagner et le perdre, contre ma femme et ma fille, m'est indifférent, comme lorsqu'il va de bon. Et tout et partout, il y a assez de mes yeux à me tenir en office. Il n'y en a point qui me veille de si près, ni que je respecte plus. Je viens de voir chez moi un petit homme natif de Nantes, né sans bras, qui a si bien façonné ses pieds au service que lui devaient les mains, qu'ils en ont, à la vérité, à demi oublié leur office naturel. Au demeurant, il les nomme ses mains. Il tranche, il charge un pistolet et le lâche, il enfile son aiguille, il coud, il écrit, il tire le bonnet, il se peigne, il joue aux cartes et aux dés, et les remue avec autant de dextérité que saurait faire quelqu'un d'autre. L'argent que je lui ai donné, car il gagne sa vie à se faire voir, il l'a emporté en son pied, comme nous faisons en notre main. J'en vois un autre, étant enfant, qui manie une épée à deux mains et un hallebarde du pli du col à faute de main. Les jetait en l'air et les reprenait, lançait une dague et faisait craqueter un fouet, aussi bien que charretier de France. Mais on découvre bien mieux ses effets aux étranges impressions qu'elle fait en nos âmes, où elle ne trouve pas tant de résistance, que ne peut-elle en nos jugements et en nos créances. Y a-t-il opinion si bizarre, je laisse à part la grossière imposture des religions, de quoi tant de grandes nations et tant de suffisants personnages se sont vus enivrés, car cette partie étant hors de nos raisons humaines, il est plus excusable de s'y perdre, à qui n'y est extraordinairement éclairé par faveur divine. Mais d'autres opinions, y en a-t-il de si étranges qu'elles n'aient plantées et établies par loi et région que bon lui a semblé? Et est très juste cette ancienne exclamation « Non pudet physicum id est speculatorem venatoremque naturae ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis ». J'estime qu'il ne tombe en l'imagination humaine aucune fantaisie si forcenée qui ne rencontre l'exemple de quelque usage public, et par conséquent que notre raison n'était et ne fonde. Il est des peuples où on tourne le dos à celui qu'on salue, et ne regarde-t-on jamais celui qu'on veut honorer. Il en est où, quand le roi crache, la plus favorite des dames de sa cour tend la main, et, En notre nation, les plus apparents qui sont autour de lui se baissent à terre pour ramasser en du linge son ordure, dérobant ici la place d'un comte. Un gentilhomme français se mouchait toujours de sa main, chose très ennemie de notre usage, défendant là-dessus son fait et était fameux en bon rencontre. Il me demanda quel privilège avait ce sale excrément que nous allassions lui apprêter un beau linge délicat à le recevoir, et puis, qui plus est, à l'empaqueter et serrer soigneusement sur nous, que cela devait faire plus de mal au cœur que de le voir verser, ou que ce fût comme nous faisons toutes nos autres ordures. Je trouvais qu'il ne parlait pas du tout sans raison, et m'avait la coutume ôté l'apercevance de cette étrangeté, laquelle pourtant nous trouvons si hideuse quand elle est récitée d'un autre pays. Les miracles sont, selon l'ignorance en quoi nous sommes de la nature, non selon l'être de la nature. La suffaction endort la vue de notre jugement. Les barbares ne nous sont de rien plus merveilleux que nous sommes à eux, ni avec plus d'occasion. Comme chacun avouerait, si chacun savait, après s'être promené par ses lointains exemples, se coucher sur les propres et les conférer sainement. La raison humaine est une teinture infuse, environ de pareil poids à toutes nos opinions et mœurs, de quelque forme qu'elles soient, infinie en matière, infinie en diversité. Je m'en retourne. Il est des peuples où, sauf sa femme et ses enfants, aucun ne parle au roi que par Sarbatane. En une même nation, et les vierges montrent à découvert leur partie honteuse, et les mariés les couvrent et cachent soigneusement. À quoi cette autre coutume, qui ailleurs a quelques relations? La chasteté n'y est en prix que pour le service du mariage, car les filles se peuvent abandonner à leur poste, et, engrossées, se faire avorter par médicaments propres, au vu d'un chacun. Et ailleurs, si c'est un marchand qui se marie, tous les marchands conviés à la noce couchent avec l'épouse avant lui. Et plus il y en a, plus à elle d'honneur et de recommandation, de fermeté et de capacité. Si un officier se marie, il en va de même si c'est un laboureur ou quelqu'un du bas peuple, car l'or, c'est au seigneur à faire. Et si on ne laisse pas d'y recommander étroitement la loyauté pendant le mariage, il en est où il se voit des bordeaux publics de mal, voire et des mariages, où les femmes vont à la guerre quand, et leur mari, et on rend, non au combat seulement, mais aussi au commandement, où non seulement les bagues se portent au nez, aux lèvres, aux joues et aux orteils des pieds, mais des verges d'or bien pesantes au travers des tétons et des fesses, où en mangeant, on s'essuie les doigts aux cuisses et à la bourse des génitoires, et à la plante des pieds, où les enfants ne sont pas héritiers, ce sont les frères et neveux, et ailleurs les neveux seulement, sauf en la succession du prince. Ou, pour régler la communauté des biens qui s'y observent, certains magistrats souverains ont charge universelle de la culture des terres et de la distribution des fruits, selon le besoin d'un chacun. Où l'on pleure la mort des enfants, et festoie l'on celle des vieillards, où ils couchent en des lits 10 ou 12 ensemble avec leurs femmes, où les femmes qui perdent leur mari par mort violente se peuvent remarier, les autres non, où l'on estime si mal de la condition des femmes que l'on y tue les femelles qui y naissent, et achète-t-on des voisins, des femmes pour le besoin, où les maris peuvent répudier sans alléguer aucune cause, les femmes non, pour cause quelconque, où les maris ont loi de les vendre si elles sont stériles, où ils font cuire le corps du trépassé, et puis pile jusqu'à ce qu'ils se forment comme en bouillie, laquelle y mêle à leur vin et la boive, où la plus désirable sépulture est d'être mangée des chiens, ailleurs des oiseaux, où l'on croit que les dames heureuses vivent en toute liberté, en des champs plaisants fournis de toute commodité, et que ce sont elles qui font cet écho que nous oyons, où ils combattent en l'eau et tirent sûrement de leurs arcs en nageant, où pour signe de subjection, il faut hausser les épaules et baisser la tête, et déchausser ses souliers quand on entre au logis du roi, où les eunuques, qui ont les femmes religieuses en garde, ont encore le nez et les lèvres à dire, pour ne pouvoir être aimés, et les prêtres se crèvent les yeux, pour raconter les démons et prendre les oracles, où chacun fait un dieu de ce qui lui plaît, le chasseur d'un lion ou d'un renard, le pêcheur de certains poissons, et des idoles de chaque action ou passion humaine. Le soleil, la lune et la terre sont les dieux principaux. La forme de jurée, c'est toucher la terre regardant le soleil, et on y mange ton la chair et le poisson cru. Ou le grand serment, c'est jurer le nom de quelque homme trépassé qui a été en bonne réputation au pays. Touchant de la main sa tombe, ou les étrennes annuelles que le roi envoie au prince ses vassaux, tous les ans, c'est du feu, lequel, apporté, tout le vieux feu est éteint. Et de ce feu nouveau, le peuple, dépendant de ce prince, on doit venir prendre chacun pour soi, sur peine de crime de lèse-majesté. Ou quand le roi, pour s'adonner du tout à la dévotion, se retire de sa charge, ce qui advient souvent, son premier successeur est obligé d'en faire autant, et passe le droit du royaume au troisième successeur, où l'on diversifie la forme de la police, selon que les affaires semblent le requérir. On dépose le roi quand il semble bon, et lui substitue-t-on des anciens à prendre le gouvernail de l'État, et le laisse-t-on parfois aussi aux mains de la commune, où hommes et femmes sont circoncis et pareillement baptisés, où le soldat qui, en un ou divers combats, est arrivé à présenter à son roi cette tête d'ennemi, et fait noble, où l'on vit sous cette opinion si rare et insociable de la mortalité des âmes, où les femmes s'accouchent sans plainte et sans effroi, où les femmes, en l'une et l'autre jambe, portent des grèves de cuivre, et si un pouilleux les mord, sont tenus par devoir de magnanimité de le remordre, et n'osent épouser qu'elle n'ait offert à leur roi, s'il le veut, leur pucelage, où l'on s'allume étant le doigt à terre, et puis le haussant vers le ciel, où les hommes portent les charges sur la tête, les femmes sur les épaules, elles pissent debout, les hommes accroupis, où ils envoient de leur sang en signe d'amitié, et encensent comme les dieux les hommes qui veulent t'honorer, ou non seulement jusqu'au quatrième degré, mais en aucun plus éloigné, la parenté n'est soufferte au mariage, où les enfants sont 4 ans à nourrice et souvent 12, et là même il est estimé mortel de donner l'enfant à téter tout le premier jour, où les pères ont charge du châtiment des mâles, et les mères à part des femelles, et est le châtiment de les fumer pendus par les pieds, où on fait circoncire les femmes, où l'on mange toutes sortes d'herbes sans autre discrétion que de refuser celles qui leur semblent avoir mauvaise senteur, où tout est ouvert, et les maisons pour belles et riches qu'elles soient, sans portes, sans fenêtres, sans coffres qui ferment, et sont les larrons, doublement punis qu'ailleurs, où ils tuent les poux avec les dents comme les magots, et trouvent horrible de les voir cachés sous les ongles, où l'on ne coupe en toute la vie ni poils ni ongles, ailleurs où l'on ne coupe que les ongles de la droite, ceux de la gauche se nourrissent par gentillesse, où ils nourrissent tous les poils du côté droit, tant qu'il peut croître, et tiennent ras le poil de l'autre côté, et en voisine province, celle-ci nourrit le poil de devant, celle-là le poil de derrière, et rase l'opposite, où les pères prêtent leurs enfants, les maris leurs femmes, à ouïr aux hôtes, en payant, où on peut honnêtement faire des enfants à sa mère, les pères se mêler à leurs filles et à leurs fils, où, aux assemblées des festins, ils s'entreprêtent, sans distinction de parenté, les enfants les uns aux autres, ici, on vit de chair humaine, là c'est office de piété de tuer son père en certain âge, ailleurs les pères ordonnent, des enfants encore au ventre des mères, ceux qu'ils veulent être nourris et conservés, et ceux qu'ils veulent être abandonnés et tués. Ailleurs, les vieux maris prêtent leurs femmes à la jeunesse pour s'en servir, et ailleurs, elles sont communes sans péché, voire, en tel pays, portent pour marque d'honneur autant de belles houppes frangées au bord de leurs robes qu'elles ont accointées de mal. N'a pas fait la coutume encore une chose publique, de femme à part? Leur a-t-elle pas mis les armes à la main, fait dresser des armées et livrer des batailles? Et ce que toute la philosophie ne peut planter en la tête des plus sages, ne l'apprend-elle pas de sa seule ordonnance au plus grossier vulgaire? Car nous savons des nations entières où non seulement la mort était méprisée, mais festoyée, où les enfants de 7 ans souffraient à être fouettés jusqu'à la mort, sans changer de visage, où la richesse était, en tel mépris, que le plus chétif citoyen de la ville n'eût daigné baisser le bras pour ramasser une bourse d'écus, et savons des régions très fertiles en toute façon de vivre, où toutefois les plus ordinaires mets et les plus savoureux, c'était du pain, du nasitor et de l'eau. Fit-elle pas encore ce miracle en si haut qu'il s'y passa 700 ans, sans mémoire que femme ni fille y eût fait faute à son honneur? En somme, à ma fantaisie, il n'est rien qu'elle ne fasse ou qu'elle ne puisse. Et avec que raison l'appelle Pindarus, à ce qu'on m'a dit, la reine est empereur du monde. Celui qu'on rencontra battant son père répondit que c'était la coutume de sa maison, que son père avait ainsi battu son aïeul son bisaïeul, et montrant son fils, « Celui-ci me battra, quand il sera venu au terme de l'âge où je suis. » Et le père, que le fils tirassait et s'aboulait, émit la rue, lui commanda de s'arrêter à certains huit. Car lui n'avait traîné son père que jusque-là, que c'était la borne des injurieux traitements héréditaires que les enfants avaient en usage de faire au père en leur famille. Par coutume, dit Aristote, aussi longtemps que par maladie, des femmes s'arrachent le poil, rongent leurs ongles, mangent des charbons et de la terre, et plus par coutume que par nature, les mâles se mêlent aux mâles. Les lois de la conscience, que nous disons naître de nature, naissent de la coutume. Chacun, ayant en vénération interne les opinions et mœurs approuvées et reçues autour de lui, ne s'en put déprendre sans remords, ni s'y appliquer sans applaudissements. Quand ceux de Crète voulaient, au temps passé, maudire quelqu'un, ils priaient les dieux de l'engager en quelque mauvaise coutume. Mais le principal effet de sa puissance, c'est de nous saisir et empiéter de telle sorte qu'à peine soit-il en nous de nous ravoir de sa prince et de rentrer en nous, pour discourir et raisonner de ses ordonnances. De vrai, parce que nous les humons avec le lait de notre naissance, et que le visage du monde se présente en cet état à notre première vue, il semble que nous soyons nés à la condition de suivre ce train, et les communes imaginations que nous trouvons en crédit autour de nous et infusent en notre âme par la semence de nos pères, il semble que ce soit les générales et naturelles. Par où il advient que ce qui est hors les gonds de la coutume, on le croit hors des gonds de la raison. Dieu sait combien déraisonnablement le plus souvent. Si comme nous, qui nous étudions, avons appris de faire chacun qui voit une juste sentence, regarder un continent par où elle lui appartient en son propre, chacun trouverait que cette-ci n'est pas tant un bon mot qu'un bon coup de fouet à la bêtise ordinaire de son jugement. Mais on reçoit les avis de la vérité et ses préceptes comme adressés au peuple, non jamais à soi. Et au lieu de les coucher sur ses mœurs, chacun les couche en sa mémoire, très sottement et très inutilement. Revenons à l'empire de la coutume, les peuples nourris à la liberté et à se commander eux-mêmes, estiment toute autre forme de police monstrueuse et contre nature. Ceux qui sont dus à la monarchie en font de même, et quelque facilité que leur prête fortune au changement, lors même qu'ils se sont, avec grande difficulté, l'effet de l'importunité d'un maître, ils courent à en replanter un nouveau avec que pareille difficulté, pour ne se pouvoir résoudre de prendre en haine la maîtrise. C'est par l'entremise de la coutume que chacun est content du lieu où nature l'a planté, et les sauvages d'Écosse n'ont que faire de la Touraine, ni les Scythes de la Thessalie. Darius demandait à quelques Grecs pour combien ils voudraient prendre la coutume des Indes, de manger leurs pères trépassés, car c'était leur forme, estimant ne leur pouvoir donner plus favorable sépulture que dans eux-mêmes. Ils lui répondirent que pour chose du monde ils ne le feraient, mais s'étant aussi essayé de persuader aux Indiens de laisser leur façon et prendre celle de Grèce, qui était de brûler les corps de leurs pères, il leur fit encore plus d'horreur. Chacun en fait ainsi, d'autant que l'usage nous dérobe le vrai visage des choses. Nil adeo magnum, nectam mirabile quid quam, principio quod non minuant mirarier omnes polatim. Autrefois, ayant à faire valoir quelques-unes de nos observations, et reçues avec que résolue autorité bien loin autour de nous, et ne voulant point, comme il se fait, l'établir seulement par la force des lois et des exemples, mais qu'étant toujours jusqu'à son origine, j'y trouvais le fondement si faible qu'à peine que je ne m'en dégoûtasse, moi, qui avais à la confirmer en autrui. C'est cette recette par laquelle Platon entreprend de chasser les dénaturés et prépostères amours de son temps qu'il estime souveraine et principale, à savoir que l'opinion publique les condamne, que les poètes, que chacun en fasse des mauvais comptes, récepte par le moyen de laquelle les plus belles filles n'attirent plus l'amour des pères, ni les frères plus excellents en beauté, l'amour des sœurs. Les fables même de Thieste, de Dippus, de Macarus, ayant, avec le plaisir de leur chant, infus cette utile créance en la tendre cervelle des enfants. De vrai, la pudicité est une belle vertu, et de laquelle l'utilité est assez connue. Mais de la traiter et faire valoir selon nature, il est autant malaisé comme il est aisé de la faire valoir selon l'usage, les lois et les préceptes. Les premières et universelles raisons sont de difficiles percutations, et les passent nos maîtres en écumant, ou, en ne les osant pas seulement tâter, se jettent d'aborder dans la franchise et la coutume. Là ils s'enflent et triomphent à bon compte. Ceux qui ne veulent laisser tirer hors de cette originelle source faillent encore plus, et s'obligent à des opinions sauvages. Témoin Chrysippus, qui sema, en tant de lieu de ses esprits, le peu de compte en quoi il tenait les conjonctions incestueuses, qu'elles fussent. Qui voudra se défaire de ce violent préjudice de la coutume? Il trouvera plusieurs choses reçues d'une résolution indubitable, qui n'ont appui qu'en la barbe chenue et ride de l'usage qui les accompagne. Mais ce masque arraché, rapportant les choses à la vérité et à la raison, il sentira son jugement comme tout bouleversé, et remis pourtant en bien plus sûr état. Pour exemple, je lui demandais lors quelque chose pût être plus étrange que de voir un peuple obligé à suivre les lois qu'il n'entendit ont attachées en toutes ses affaires domestiques, mariages, donations, testaments, ventes et achats, à des règles qu'il ne peut savoir, n'étant écrites ni publiées en sa langue, et desquelles, par nécessité, il lui faille acheter l'interprétation et l'usage, non selon l'ingénieuse opinion d'Isocrate, qui conseille à son roi de rendre les trafics et négociations de ses sujets libres, franches et lucratives, et leurs débats et querelles onéreuses chargées de pesants subsides, mais selon une opinion prodigieuse de mettre en trafic la raison même, et donner aux lois cours de marchandises. Je sais bon gré à la fortune de quoi, comme disent nos historiens, ce fut un gentilhomme gascon et de mon pays, qui le premier s'opposa à Charlemagne, nous voulant donner des lois latines et impériales. Qu'est-il plus farouche que de voir une nation où, par légitime coutume, la charge de juger se vende, et les jugements soient payés à pur denier comptant, et où légitimement la justice soit refusée à qui n'a de quoi la payer, et est cette marchandise si grand crédit qu'il se fasse en une police un quatrième état de gens maniant les procès pour le joindre aux trois anciens de l'église, de la noblesse et du peuple, lequel état, ayant la charge des lois et souveraine autorité des biens et des vies, fasse un corps à part de celui de la noblesse, d'où il advienne qu'il y ait double loi, celle de l'honneur et celle de la justice, en plusieurs choses fort contraires, aussi rigoureusement condamne celle-là indémentie souffert, comme celles ici indémenties revanchées par le devoir des armes, celui-là soit dégradé d'honneur et de noblesse, qui souffre une injure, et par le devoir civil, celui qui s'en venge encourt une peine capitale, qui s'adresse aux lois pour avoir raison d'une offense faite à son honneur, et se déshonore, et qui ne s'y adresse, il en est puni et châtié par les lois. Et de ces deux pièces si diverses, se rapportant toutefois à un seul chef, cela est la paix, ceci la guerre en charge, cela est le gain, ceci l'honneur, cela le savoir, ceci la vertu, cela la parole, ceci l'action, cela la justice, ceci la vaillance, cela la raison, ceci la force, cela la robe longue, ceci la courte. En partage, quant aux choses indifférentes, comme vêtements, qui les voudra ramener à leur vraie fin, qui est le service et commodité du corps, d'où dépend leur grâce et bienséance originelle. Pour les plus fantastiques à mon gré qui se puissent imaginer, le lui dorait, entre autres, nos bonnets carrés, cette longue queue de velours plissée qui pend aux têtes de nos femmes avec son attirail bigarré, et ce vain modèle est inutile d'un membre que nous ne pouvons seulement honnêtement nommer, duquel toutefois nous faisons montre et parade en public. Ces considérations ne détournent pourtant pas un homme d'entendement de suivre le style commun. Un au rebours, il me semble que toute façon est écartée et particulière, parte plutôt de folie ou d'affectation ambitieuse que de vraie raison, et que le sage doit, au-dedans, retirer son âme de la presse, et la tenir en liberté et puissance de juger librement des choses. Mais quant au dehors, il doit suivre entièrement les façons et formes reçues. La société publique n'a que faire de nos pensées, mais, le demeurant, comme nos actions, notre travail, nos fortunes et notre vie, il la faut prêter et abandonner à son service et aux opinions communes, comme ce bon et grand Socrate refusa de sauver sa vie, par la désobéissance du magistrat, voire d'un magistrat très injuste et très inique, car c'est la règle des règles, générale loi des lois, que chacun observe celle du lieu où il est. Nomis epes faitiso encoris calon. En voici d'une autre cuvée. Il y a grand doute s'il se peut trouver si évident profit au changement d'une loi reçue, telle qu'elle soit, qu'il y a de mal à la remuer, d'autant qu'une police, c'est comme un bâtiment de diverses pièces jointes ensemble d'une telle liaison qu'il est impossible d'en ébranler une, que tout le corps ne s'en sente. Le législateur des Turiens ordonna que quiconque voudrait ou abolir une des vieilles lois ou en établir une nouvelle se présenterait au peuple la corde au cou, afin que, si la nouveauté n'était approuvée d'un chacun, il faut incontinent étrangler, et celui de Lacédémone employa sa vie pour tirer de ses citoyens une promesse assurée de n'enfreindre aucune de ses ordonnances. L'effort qui coupa si rudement les deux cordes que Phrynis avait ajoutées à la musique ne s'émoit pas si elle en vaut mieux, ou si les accords en sont mieux remplis. Il lui suffit, pour les condamner, que ce soit une altération de la vieille façon. C'est ce que signifiait cette espérouillée de la justice de Marseille. Je suis dégoûté de la nouveauté, quelque visage qu'elle porte, et ai raison, car j'en ai vu des effets très dommageables, celle qui nous presse depuis tant d'ans. Elle n'a pas tout exploité, mais on peut dire, avec apparence, que par accident elle a tant produit et engendré, voire et les maux et ruines qui se font depuis, sans elle et contre elle. C'est à elle à s'en prendre au nez. Patior telis vulnera facta meis. Ceux qui donnent le branle à un état sont volontiers les premiers absorbés en sa ruine. Le fruit du trouble ne demeure guère à celui qui l'a ému. Il bat et brouille l'eau pour d'autres pêcheurs. La liaison et contexture de cette monarchie et ce grand bâtiment ayant été démis et dissous, notamment sur ses vieux ans, par elle, donne tant qu'on veut d'ouverture et d'entrée à pareilles injures. La majesté royale s'avale plus difficilement du sommet au milieu, qu'elle ne se précipite du milieu au fond. Mais si les inventeurs sont plus dommageables, les imitateurs sont plus vicieux de se jeter en des exemples desquels ils ont senti et puni l'horreur et le mal. Et s'il y a quelques degrés d'honneur, même au mal à faire, ceux-ci doivent aux autres la gloire de l'invention et le courage du premier effort. Toutes sortes de nouvelles débauches puisent, heureusement, en cette première et féconde source, les images et patrons à troubler notre police. On lit en nos lois même, faites pour le remède de ce premier mal, l'apprentissage et l'excuse de toutes sortes de mauvaises entreprises. Et nous advient ce que Thucydide dit des guerres civiles de son temps, qu'en faveur des vices publics, on les baptisait de mots nouveau, plus doux pour leur excuse, abastardisant et amollissant leurs vrais titres. C'est pourtant pour reformer nos consciences et nos créances, honesta Horatio est. Mais le meilleur prétexte de nouvelleté est très dangereux. Ad nihil mutum ex antiquo probabile est. Si me semble-t-il, à le dire franchement, qu'il y a grand amour de soi et présomption d'estimer ses opinions jusque-là que, pour les établir, il faille renverser une paix publique, et introduire tant de maux inévitables, et une si horrible corruption de mœurs que les guerres civiles apportent, et les mutations d'État en choses de tel poids, et les introduire en son pays propre. Est-ce pas mal ménagé d'avancer tant de vices certains et connus pour combattre des erreurs contestées et débattables? Est-il quelque pire espèce de vice que ceux qui choquent la propre conscience et naturelle connaissance? Le Sénat osa donner, en paiement cette défaite, sur les différends entre lui et le peuple, pour le ministère de leur religion, ad deos id magis, quam ad se pertinere, ipsos visuros ne sacra sua poluantur. Conformément à ce que répondit l'oracle à ceux de Delphes. En la guerre meudoise, craignant l'invasion des Perses, ils demandèrent aux dieux ce qu'ils avaient à faire des trésors sacrés de son temple, ou les cacher, ou les emporter. Il leur répondit qu'ils ne bougeassent rien, qu'ils se souciassent d'eux, qu'il était suffisant pour pourvoir à ce qui lui était propre. La religion chrétienne a toutes les marques d'extrême justice et utilité, mais nulle plus apparente que l'exacte recommandation de l'obéissance du magistrat et manutention des polices. Quel merveilleux exemple nous en a laissé la sapience divine qui, pour établir le salut du genre humain, et conduire cette sienne glorieuse victoire contre la mort et le péché, ne l'a voulu faire qu'à la merci de notre ordre politique, et a soumis son progrès et la conduite d'un si haut effet et si salutaire à l'aveuglement et injustice de nos observations et usances, y laissant courir le sang innocent de tant d'élus ses favoris, et souffrant une longue perte d'années à mûrir ce fruit inestimable. Il y a grand à dire entre la cause de celui qui suit les formes et les lois de son pays et celui qui entreprend de les régenter et changer. Celui-là allègue pour son excuse la simplicité, l'obéissance et l'exemple. Quoi qu'il fasse, ce ne peut être malice, c'est, pour le plus, malheur. Quis en enim quem non moveat clarissimis monumentis testata consignatae antiquitas. Outre ce que dit Isocrate, que la défectuosité a plus de part à la modération que n'a l'excès, l'autre est en bien plus rude partie, car qui se mêle de choisir et de changer usurpe l'autorité de juger, et se doit faire fort de voir la faute de ce qu'il chasse, et le bien de ce qu'il introduit. Cette si vulgaire considération m'a fermé en mon siège et tenu ma jeunesse même, plus téméraire en bride, de ne charger mes épaules d'un si lourd fait que de me rendre répondant d'une science de telle importance, et oser en cette-ci ce qu'en saint jugement je ne pourrais oser en la plus facile de celles auxquelles on m'avait instruit, et auxquelles la témérité de juger est de nul préjudice, me semblant très inique de vouloir soumettre les constitutions et observances publiques et immobiles à l'instabilité d'une privée fantaisie. La raison privée n'a qu'une juridiction privée. Et entreprendre sur les lois divines ce que nulle police ne supporterait aux civils, auxquels encore que l'humaine raison ait beaucoup plus de commerce, si sont-elles souverainement juges de leurs juges, à l'extrême suffisance, certes à expliquer et étendre l'usage qui en est reçu, non à le détourner et innover. Si quelquefois la providence divine a passé par-dessus les règles auxquelles elle nous a nécessairement astreints, ce n'est pas pour nous en dispenser, ce sont coups de sa main divine qu'il nous faut non pas imiter mais admirer. Et exemple extraordinaire, marqué d'un exprès et particulier aveu, du genre des miracles qu'elle nous offre pour témoignage de sa toute-puissance au-dessus de nos ordres et de nos forces, qu'il est folie et impiété d'essayer à représenter, et que nous ne devons pas suivre, mais contempler avec étonnement, acte de son personnage, non pas d'une autre. Cotta proteste bien opportunément. Cum de religione agitur, ti corant casnium, et si pionem, et soe volam, pontifices maximus, non zenonem, haut clansem, haut crisipum sequor. Dieu le sache, en notre présente querelle, où il y a 100 articles à ôter et remettre, grands et profonds articles, combien ils sont qui se puissent vanter d'avoir exactement reconnu les raisons et fondements de l'un et l'autre parti. C'est un nombre, si c'est nombre, qu'il n'aurait pas grand moyen de nous troubler. Mais toute cette autre presse, où va-t-elle? Sous quelle enseigne se jette-t-elle à Cartier? Il advient de la leur comme des autres médecines faibles et mal appliquées. Les humeurs qu'elle voulait purger en nous, elle les a échauffées, exaspérées et aigries par le conflit. Et si, nous est demeurée dans le corps, elle n'a su nous purger par sa faiblesse, et nous a cependant affaiblis, en manière que nous ne la pouvons vider non plus, et ne recevons de son opération que des douleurs longues et intestines. Si est-ce que la fortune, réservant toujours son autorité au-dessus de nos discours, nous présente aucune fois la nécessité si urgente qu'il est besoin que les lois lui fassent quelque place, et quand on résiste à la croissance d'une innovation qui vient par violence à s'introduire, de se tenir en tout et partout en bride et en règle contre ceux qui ont la clé des champs, auxquels tout cela est loisible qui peut avancer leur dessein, qui n'ont ni loi ni ordre que de suivre leur avantage. C'est une dangereuse obligation et inégalité. Aditum nocendi perfides stat fides. D'autant que la discipline ordinaire d'un État, qui est en sa santé, ne pourvoit pas à ces accidents extraordinaires. Elle présuppose un corps qui se tient en ses principaux membres et offices, et un commun consentement à son observation et obéissance. L'aller légitime est un aller froid, pesant et contraint, et n'est pas pour tenir bon à un aller licencieux et effréné. On sait qu'il est encore reproché à ces deux grands personnages, Octavius et Caton, aux guerres civiles, l'un de Sylla, l'autre de César, d'avoir plutôt laissé encourir toute extrémité à leur patrie, que de la secourir aux dépens de ses lois, et que de rien remuer, car à la vérité, en ces dernières nécessités où il n'y a plus que tenir, il serait à l'aventure plus sagement fait de baisser la tête et prêter un peu au cou, que, s'heurtant, outre la possibilité à ne rien relâcher, donner occasion à la violence de fouler tout au pied, et vaudrait mieux faire vouloir aux lois ce qu'elles peuvent, puis qu'elles ne peuvent ce qu'elles veulent. Ainsi fait celui qui ordonna qu'elles dormissent 24 heures, et celui qui remua pour cette fois un jour de calendrier, et cet autre qui, du mois de juin, fit le second mai. Les lacédémoniens même, tant religieux observateurs des ordonnances de leur pays, étant pressés de leur loi qui défendait d'élire par deux fois amiral un même personnage, et de l'autre part leurs affaires requérant de toute nécessité que Lysander prit de chef cette charge, ils firent bien un Arrachus admiral, mais Lysander, surintendant de la marine, et de même subtilité un de leurs ambassadeurs, étant envoyé vers les Athéniens pour obtenir le changement de quelque ordonnance, et Périclès lui alléguant qu'il était défendu d'ôter le tableau où une loi était une fois posée, lui conseilla de le tourner seulement, d'autant que cela n'était pas défendu. C'est ce de quoi plus tard que loup Philopoémen, qu'étant né pour commander, il savait non seulement commander selon les lois, mais aux lois mêmes, quand la nécessité publique le requérait. Fin du chapitre 22.